Donc je vais commencer par une chanson que j'ai écrite en novembre 2014. Je suis en train d'embêter la régie, en fait. Ils étaient partis pour lancer le titre, je pense. Donc j'ai écrit la chanson en novembre 2014, lors d'un week-end où j'étais particulièrement heureuse. Et j'ai la chance aujourd'hui que la chanson que je vais vous interpréter, en fait, a pris une dimension supplémentaire il y a quelques semaines. Donc je vous laisse la découvrir. C'est « Crier ton nom ». Pour la régie. Comme dans un tourbillon, tu m'emmènes très loin. Comme dans un courant d'air qui me fait voler. Toujours plus haut, je n'ai jamais plus de vertige. De tout en haut et la lumière du ciel, jamais plus ne s'éteint. Tu t'es glissé dans ma vie. Avec moi tu ne fais plus qu'un. Je veux crier ton nom sur tous les toits, lancer au gré du vent ma foi en toi. J'adore cette fusée et puis les montagnes. J'adore cette chaleur, c'est un tourment de douceur. On veut que c'est le calme avant la tempête. On te dit éphémère, on te dit infidèle, on te dit volatile, on t'accuse d'être cruel. On me dit qu'un jour tu t'en iras. Je veux crier ton nom sur tous les toits, danser au gré du vent ta foi en toi. Je veux t'enfiler sans profiter de toi. Peu importe le temps que ça durera. Je t'ai cherché dans le passé, mais tu es mon présent, mon avenir. On me jalouse, on m'envie, on essaie de te voler à moi. Mon ami, mon amour infini, je veux crier ton nom sur tous les toits. Bonheur, crier ton nom. Bonheur, crier ton nom. Bonheur, je veux crier au monde que tu existes vraiment. Bonheur, crier ton nom sur tous les toits. Lancer au gré du vent ta foi en toi. Merci beaucoup. Donc c'est une chanson que vous pouvez retrouver dans un deux titres que j'ai en vente au prix de 5 euros. J'ai quelques exemplaires avec moi. Ça m'aidera à financer le prochain album. Donc la chanson suivante a été écrite dans le métro. En fait, j'ai écouté, j'ai lu surtout les journaux gratuits qu'il y avait à l'époque, post-élection, et dans un contexte aussi post-attentat. Et j'ai été outrée de voir les titres, et c'est là qu'est venue la chanson. Donc j'ai écrit la chanson dans mon téléphone parce que je n'avais pas de quoi écrire à ce moment-là. Et ensuite, on m'a proposé une composition au piano. Et j'ai créé la ligne vocale sur la composition au piano en 5 minutes et j'ai enregistré dans la foulée. Donc il y a eu quelque chose de magique avec cette chanson. Et je vous la présente ce soir, elle s'appelle Marianne. Chanson suivante, pour vous expliquer un petit peu. En fait, on m'a contacté il y a quelques mois de ça, enfin, on va dire quelques semaines de ça, parce que c'est pas si vieux que ça, pour participer à un projet qui s'appelle le projet Ophélie, initié par Anna Circé, et en fait qui se voulait un projet qui voulait communiquer sur la maltraitance physique et psychologique. Et on m'a demandé d'interpréter une chanson que je vous présenterai ensuite. Pour l'instant, enfin, celle que je vous présente maintenant, c'est ma contribution personnelle au projet, parce que j'avais de ce fait eu très envie d'écrire sur le même thème. Et donc je vous présente Sa seule croyance, qui elle va se retrouver dans mon prochain album. Je vous laisse la découvrir. Sébastien qui chauffe la salle. Hein. Merci Sébastien. Donc la dernière. Dis donc, c'est physique hein, chez toi. La dernière, en fait, c'est pour vous expliquer l'hymne du projet Ophélie qui m'avait été proposé en interprétation. Donc pour une fois, j'ai fait qu'interpréter la chanson. Et je lance un appel à tous les artistes qui voudraient rejoindre le projet parce que récemment on a, moi je l'ai chanté en français, mais récemment un autre chanteur l'a interprété en espagnol, donc a traduit en espagnol et l'a interprété en espagnol. Donc l'idée c'est que la chanson, comme c'est un hymne, l'idée c'est qu'elle soit partagée par un maximum de personnes. Donc si certains artistes se sentent le cœur de rejoindre le projet, de traduire la chanson, de l'interpréter, ou même de participer par d'autres moyens, en dessinant, en faisant des clips. Voilà, je les invite à rejoindre ma page Facebook et à me contacter pour en parler. Donc là, par contre, j'ai pris l'anti-sèche. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais comme... voilà. Donc je vous présente Intouchable. Et j'espère qu'elle vous plaira. Tu te sens très loin de tout si simple et moi qui resserre les liens. Toi tu te sais d'ailleurs à jamais étrangère à ce monde qui aboie, à ces jeux. Trop. Merci. Il y a des fans, hein. Céline. Céline. Bah, c'est sympa parce que on vient de se rencontrer, c'est grâce bon. À toi. Ouais. Céline. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux d'abord, et puis grâce à toi, on s'est rencontrés en réel. Ah, c'est sûr. Tu vois. Tu veux nous faire une petite chanson, Céline, sinon. Alors, je sais qu'il y a un anniversaire, ça se fait aussi. Hein. Il y a un Pascalou dans la salle. C'était il y a quelques temps, donc Pascalou, ben, on te souhaite un très très bon anniversaire, un gros bisou à toi. Il est où Pascalou? Il se cache. Et il faut chanter, hein. Bon anniversaire, Pascalou. Il faut chanter, Tu veux, vas-y. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pascalou. Joyeux anniversaire. Bravo, merci. C'est ça, c'est le live arc-en-ciel. Ah ben un grand merci à toi, Siliane. C'est moi qui te remercie. On remercie donc ton producteur aussi, quand même, pour en parler. Alors oui. Il va me taper sinon, en vrai. Quand même. Non, j'ai pas de producteur, je suis en autoproduction. Oui. Par contre, je suis accompagnée d'un super studio qui m'a fait les compositions du prochain album, qui est le Magic Studio. Et Vincent Vallet me crée mes compositions donc, du prochain album. Donc en dehors de sa seule croyance, il y a d'autres titres qui sont made in Magic Studio. Et qui devrait sortir normalement fin mai, début juin maximum. Voilà. D'accord. C'est dans les tuyaux. Bah, dès qu'il y a quelque chose, tu nous l'envoies. Hein. Tout à fait. Forcément. Bien sûr. Et on te remercie. Et puis si on veut prendre contact, Siliane sur Facebook. Siliane, C-I-L-I-A-N-E. Je suis sur Twitter, sur Facebook, YouTube, puis même par Google. Hein, je pense que vous pouvez me retrouver. Merci. On applaudit encore très fort, Siliane. Bonne soirée.